de la maison pas équipée. Sentir mon odeur me rassure, je ne descends pas jusqu'aux chaussures. Attendre des heures dans un couloir, avec l'eau chaude comme seul espoir, avant qu'une douche se libère, serviette et trousse en bandoulière. J'adore camper mais pas longtemps, plus de trois jours c'est épuisant. J'ai chaud, j'ai mal, je suis fatiguée, je crève la dalle et je pue les pieds. Trois jours que je n'ai pas dormi, partie pétante jusqu'à minuit. Sous la tente y avait des fourmis, l'oreiller sentait le vomi. 7h du mat, je crève de chaud, j'ai jamais eu tant mal aux dents. Les moustiques ne m'ont pas raté et j'ai du sable dans mon duvet. J'adore camper mais pas longtemps, plus de trois jours c'est épuisant. J'ai chaud, j'ai mal, je suis fatiguée, je crève la dalle et je pue les pieds. Ratatouille froide et rose et tiède, sans crier gare, j'appelle à l'aide. Le beurre, pas la peine d'y penser, au petit-déj c'est les concentrés. Les pépitos sont tout fondus, si j'aurais su j'aurais pas venu. J'adore camper mais pas longtemps, plus de trois jours c'est épuisant. J'ai chaud, j'ai mal, je suis fatiguée, je crève la dalle et je pue les pieds. Retour chez nous c'est le bonheur, frigo à 5 salades fraîcheur, 2-3 glaçons dans mon pastis, y'a pas d'heure pour l'apéritif. J'adore camper mais pas longtemps, plus de trois jours c'est épuisant. J'ai chaud, j'ai mal, je suis fatiguée, je crève la dalle et je pue les pieds.